Hey, hey, hey! Bonsoir et bienvenue au Soc Aquatique Magique! Ce soir, émission extrêmement spéciale pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la dernière émission de la saison. Oh. Deuxièmement, on a un invité très spécial, Alex Drapeau. Oh. Et troisièmement, il y a des amis de Marseille qui vont rediffuser cette émission. Les gens de la Radio Grenouille, située à Marseille en France. Alors bonjour les cousins. Et puis ils vont commencer à diffuser cette émission. Alors on va faire un spécial Grenouille. Et puis il y a un de leurs amis, une des grenouilles de Radio Grenouille, qui se retrouve actuellement à Montréal. Alors on va en parler plus tard. Pour l'instant, on commence avec un petit bloc consacré justement à la musique des grenouilles. Et je dédie cette chanson à un grand chanteur qui est mort cette semaine, Risset Barrier. Alors on va écouter la Java des hommes grenouilles. Se désespère, ça n'est pas drôle chez les poissons, pas une seule fille à l'horizon, coiffée d'un scaphandre coquin, qui une femme grenouille surgit soudain, qui les deux dragueurs d'un seul élan se précipitent en glougloutant, cœur des crevettes, prenons des chaises pour être à l'aise, car le spectacle va commencer. Cœur des crabes, chouette, c'est un drame. Deux hommes, une femme, va y avoir du macabre. Viens dans ma grotte, ma petite poupée, dis l'un des deux scaphandriers. Sous ton tailleur en caoutchouc, t'as des flotteurs qui me rendent fou. Range ton tuyau, s'écrit le second, en dégainant son petit harpon. Si tu embarques cette sirène, je vais te couper ton oxygène. Cœur des crevettes, pour une grenouille, qu'elle ratatouille, lequel des deux va se dégonfler. Cœur des crabes, y a du suspense, ouvrons nos panses, préparons-nous à boulotter. Trois ombres se bagarrent dans le fond, on dirait qu'ils dansent le boston. La femme grenouille perd son bénard, ça fait rougir un petit homard. Mais une grosse pieuvre du genre barbouze, qui dit en la recouvrant de ventouse, qui tout le monde au bloc, je veux pas de femme nue, ça fait du tort à nos morues. Cœur des crevettes, quel trouble faites, v'là que ça s'arrête, peut-être qu'après ça devenait cochon. Cœur des crabes, pas de sang, pas de crime, c'est la famine, le spectacle finit en queue de poisson. Rentrons dans le sable, c'est pas rigolo. That's easy! Who approaches the bridge of death must answer me these questions three. The other side he see. Ask me the questions, Bridgekeeper, I'm not afraid. What is your name? Sir Robin of Camelot. What is your quest? To seek the Holy Grail. What is the capital of Assyria? I don't know that. Thank you. fâcha et dit mon tabernacle de chasse, c'est pas de ma voix. Et puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis fait faire une graine en bois, deux gosses en laine. On s'est mis à deux pour la crosser, elle ne voulait pas décharger la petite enfant chienne. Les petites filles à Campbellton, ils sont chaudes comme des moutons, les petites moyennes. Ça se déculotte sur le bord de la côte, et puis une botte t'attend pas l'autre avec Antoine. Un habitant bien orgueilleux s'était fait faire une graine de bœuf grosse comme la mienne. En allant fourrer ses vaches, elle lui faisait la grimace en enfant de chienne. Y'a des petites filles à Saint-Zinon qui aiment se faire pogner les totons, les petites moyennes. Si elle porte les culottes fendues, c'est pour mieux se faire pogner le cul en enfant de chienne. Un petit morpion motocycliste prenait mon trou de cul pour une piste roulait sans trêve. Quand soudain, dans un détour, il fit un dérapage et puis tomba dans merde. Je voudrais bien savoir pourquoi les filles blondes ont le poil du cul noir. Pourquoi les grosses négresses à 90 ans s'arrachent le poil des fesses pour faire des brosses à dents. Ah si mon cœur était grenouille, je me creuserais un lac. Et moi j'aime ça quand ça chatouille, quand ça fait flic, flic, flic. Prenez les cuisses à ma tante Alice, ma tante Germaine se courbe le corps. Tu sais la graine de mon oncle Hector. Fourrez-vous, Madame Giroux, fourrez-vous, Madame Giroux, fourrez-vous, Madame Giroux, dans votre grand trou. La poche à mon grand-père est au plafond pendu. Ma grand-mère en Saint-Ciboire lui arrache le poil du cul. Elle monte en haut dans l'escabeau pour en extraire le jus. Là, l'escabeau par terre. Grand-maman sur le cul, en risque à gazéline, envoie ton pendu. Faut par en avant de beaux enfants. Les petites filles du rocher percé, moi je vous dis qu'elles sont bien faites. Mais elles ne veulent pas faire minette pour un paquet de cigarettes. En risque à gazéline, envoie ton pendu. Faut par en avant de beaux enfants. J'en ai fourré des gaspésiennes. Moi je vous dis qu'elles ont le sang chaud. J'en ai eu pour une semaine à me frotter le bout de la graine pis avoir mal au gorlot. Pogne-moi dans le cul, Germaine, je te pognerai le tien à l'heure. Tu l'as pas vu ma graine quand elle est à sa longueur. Monte en haut dans ma chambre, étends-toi sur mon lit. Tu l'auras dans ta grande fente, la piscette du Saint-Esprit. C'est la fête à Saint-Antoine, la fête d'un grand jobber. Ma femme s'est trouvée pleine dans semaine des 40 heures. C'est de la faute à sa mère si elle lui a pas cousu la petite boutonnière à deux pouces du trou de cul. Si tu m'aimerais chérie, tu me ferais cuire des nouilles. Et pendant que tu y es, tu me sucerais les boules. T'es encore en train d'écouter la chanson cochonne, là? Non. Donne-moi ça. Stop! Who would cross the bridge of death must answer me these questions three. The other side, he see. Ask me the questions, Bridgekeeper. I'm not afraid. What is your name? My name is Sir Lancelot of Camelot. What is your quest? To seek the Holy Grail. What is your favorite color? Blue. Right, off you go. Oh, thank you. Thank you very much. Une grenouille s'en va à peau. Une grenouille s'en va à peau. Une grenouille s'en va à peau. C'est pour se faire pogner le gorlot. Grenouille rencontre une petite souris. Grenouille rencontre une petite souris. Grenouille rencontre une petite souris. Voulez-vous être ma petite amie? veux pas être votre petit ami. Je ne veux pas être votre petit ami. Je ne veux pas être votre petit ami, car je ne suis qu'une petite souris. Car nous y rencontrons une mouche à feu. Car nous y rencontrons une mouche à feu. Car nous y rencontrons une mouche à feu. Il aimerait bien ça lui montrer sa queue. Voulez-vous éteindre votre lumière? Voulez-vous éteindre votre lumière? Voulez-vous éteindre votre lumière? J'aimerais bien ça, pogner le derrière. N'éteindrez pas ma petite lumière. N'éteindrez pas ma petite lumière. J'éteindrai pas ma petite lumière, pis t'es pas pour me poigner derrière. Je nous y rencontre un gros crapaud. Je nous y rencontre un gros crapaud. Je nous y rencontre un gros crapaud. C'est une tapette qui veut son gorlou. Grenouille rencontre une grande couleuvre. Grenouille rencontre une grande couleuvre. Grenouille rencontre une grande couleuvre. Puis c'est ici que l'histoire s'achève. La morale de cette triste histoire. La morale de cette triste histoire. Si vous sortez pour aller à Pau, faites donc pas ça à Gatineau. Si vous sortez pour aller à Pau, faites donc pas ça à Gatineau. À Notre-Dame-du-Loup, à Montebello, à ben n'importe quelle place! Et voilà, de retour, spécial petit bloc consacré aux grenouilles ce soir. Alors, on a entendu quoi, mon cher Alex? Parce que Alex vient d'arriver. Salut, Alex. Salut, François. Approche-toi. Salut, François. Yes. Alex, poète de Saint-Jean-Baptiste. Absolument. On vient d'entendre, attends un peu. La fameuse chanson « Une grenouille s'en va ta peau ». C'était qui chantait ça? Un grand classique de la culture du patrimoine québécois. C'est Jerry Jolie qui faisait cette version-là. Ah, je viens d'écouter un film avec Jerry Boulet, ça me fait penser à ça. Jerry Boulet, un autre grand chanteur. Et on a entendu aussi la fameuse chanson paillarde, probablement la chanson la paillarde la plus connue de tous les temps au Québec. La petite grenouille, bien interprétée cette fois-ci par Cramp en masse. Et on a entendu La Java des hommes grenouilles de Rissa Barrier, qui est décédé la semaine passée. Un grand de la chanson française. Est-ce que tu connais Rissa? Rissa? Rissa Barrier? S'écrit-tu comme Rissa? R-I-C-E-T. Ça s'écrit comme en français de France. Ah, je le connais pas tout. Je le connais pas du tout. Il a déjà joué une couple de fois au Québec. Ça, c'est un gars qui avait beaucoup de respect pour le Québec. En plus, je pense qu'il a fait un album où il interprète du Félix Leclerc, mais je suis pas certain. Toujours est-il que là, maintenant, on se dirige vers ton choix musical, mon cher Alex. Donc, sans plus attendre, vous avez fait une sélection de trois pièces. On commence par... Une chanson écrite par Gaston Millau, interprétée par nul autre que Plume la Traverse. Ça s'appelle « Désemparé ». Et c'est sur l'album « 12 hommes rapaillés ». Et puis, on va commencer ça, puis on va revenir après pour en parler plus en détail. D'accord. Thank you. Par la nuit de tempête où les phares s'engouffrent comme des fouettés et des déterminés. Nous marchons ignorants de la trappe des gouffres vers l'horreur des demain sans paix ni charité. Désemparés, désemparés. Étoile, désert, la ville va nous prendre. Chers amours et bois et montagnes et prés. Et lacs de bleu reflet et couleurs de ciel tendre pour enchaîner, abrutir vos libertés. Désemparés, désemparés, désemparés. Où irons-nous, mon âme, à quelle heure servile? Aux forces de la vie, aux lumières d'été. Quel pays fabuleux, quelles secrètes îles vous hébergent encore en toute intégrité. Moi, je pense que je vais aller à Calgary juste pour travailler. Y'a rien de là, de l'ouvrage en masse, mais trouve-toi une place à rester. Y'a des belles appartements, y'en a d'autres qui ressemblent des quins. Y'a rien de là, plus dans 6 mois, j'marie une belle transaine. Ben, je pense que je vais aller travailler, m'acheter des exportés. Peut-être bien des demorés. Je pense Oscar va descendre dans le sud, là-bas jusqu'à Moncton. Aller à l'université pour me chercher du fun. Y'a rien là, j'ai déjà été, j'connais bien le chemin. C'est rien que des maudits Québécois qui se pensent acadiens. Ah, je pense que je vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être des Rotman. J'ai des chums qui restent pas loin d'ici, dans le bout de Tracadie. C'est pas le premier gros job, eux autres connaissent la vie. Les femmes sont smart, pis sont belles, je pense qu'ils sont fortes. Allô au magasin avec le car, pis faut qu'il barre les portes. Bah, je pense que je vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être ben des marques. Si seulement je pouvais partir en voyage. Aller faire un tour sur l'autre rivage. C'est toi que j'irai voir pour pleurer un peu. Entre ton épaule assis autour d'un feu. Je sais que la vie est belle et que mes enfants sont beaux. Mais je trouve ça tough pareil de faire tout comme il faut. Toi tu voudrais être là pour me prêter tes bras. Mais c'est pas de même ça marche. Et sache, avant de partir, y a 10 000 choses à faire. Rien que des petites affaires, comme ça c'est pas l'enfer. J'aurai jamais le temps de finir le ménage, de ramasser le plancher, puis de préparer le souper. Moi qui rêvais tant de partir en voyage, j'ai perdu mes plumes, puis manger en plume. Et je reste ainsi, avec mes ailes de pierre, à regarder au moins, en attendant demain. Qu'est-ce que je peux faire avec cette impression-là? À part la vie de mon frère, pis tout s'en va, je ne sors. C'est pas la grosse misère, on en sait loin de ça. C'est rien que le temps qui passe, c'est comme un train qui arrête pas. Si seulement je pouvais partir en voyage. Aller faire un tour sur l'autre rivage. C'est toi que j'irai voir pour pleurer un peu. Entre ton épaule assis autour d'un feu. Je sais que la vie est belle et que mes enfants sont beaux. Mais je trouve ça tough pareil de faire tout comme il faut. Tout tu voudrais être là pour me prêter tes bras. Mais c'est pas de même ça marche, il faut user sa hache. Avant de partir, y a 10 000 choses à faire. Rien que des petites affaires, comme ça c'est pas l'enfer. J'aurai jamais le temps de finir le ménage, de ramasser le plancher, puis de préparer souper. Moi qui rêvais tant de partir en voyage, j'ai perdu mes plumes. J'ai mangé l'enclume et je reste ainsi, avec mes ailes de pierre, à regarder au loin en attendant mais. Mais qu'est-ce que je peux faire avec cette impression-là? À part la vie contraire, vite fait sans moi j'aime ça. C'est pas la douce misère, on en sait loin de ça. C'est avec le temps du pauvre, c'est comme un truc à la fois. Allô, allô, allô tout le monde, et vous êtes toujours au Cirque Aquatique Magique en compagnie de François Gécouillard et Alex Drapeau. Salut Alex! Salut François! Et là, on vient d'entendre une sélection de ta part, trois pièces. On a commencé par Désemparer de Plume à Traverse. Pourquoi Plume à Traverse? Parce que Plume à Traverse, c'est un vieux loup de la musique du Québec. Alors, c'était un texte composé par Gaston Miron. Puis, je trouve que c'est une belle pièce, une belle ambiance. Je sais pas trop quoi dire de plus, là, mais j'adore cette pièce-là. Plum, je trouve qu'il te ressemble un peu, je trouve, peut-être le... Je sais pas, tu sais, l'aspect peut-être un peu déglingué, tu sais. Absolument. Tu te reconnais peut-être un peu dans Plum, je sais pas. Oui, c'est une grande inspiration. Comme beaucoup de chansonniers québécois. Là. C'est une grande inspiration. Puis sinon, on a entendu aussi Caillouche. Caillouche, personnage. Là. On s'est trompé de chanson. On voulait mettre la crotte dans la pipe. Finalement, on a écouté Exportés. la première marque de cigarettes que j'ai fumée, justement. Les Exportés. Ah ouais? Des Exportés vertes. Puis, j'étais jamais tombé aussi malade. Puis, finalement, j'ai fumé 3 ans de temps pareil. C'est vrai? Oui. Ouais. Ça t'a pas abattu. Caillouche, un Acadien, un gars assez particulier. Il fait du country. Il fait des chansons sur des sujets assez spéciaux. Justement, la crotte dans la pipe. Il y a une pièce aussi qui parle de toilette. Tu m'as flashé dans la toilette de mon cœur. Il y a des sujets scatologiques qu'on pourrait dire. C'est drôle, Bernard Adamus aussi, il parle de toilettes dans un disque que j'ai amené aussi, justement. C'est vrai. Ouais. Caillouche, je dirais que c'est un grand country. Puis il est connu, il est aimé beaucoup pour ses textes qui parlent d'amitié, de campagne, puis de liberté, tu sais. Et voilà. D'ailleurs, sur son album, ça s'appelle Un vieux hippie. Alors, symbole de liberté, hein, les hippies, c'est. Ça en est un. The hippies are not dead. Toi-même, tu te considères comme un hippie? Je me considère comme un punk. Comme un punk. Ouais. Il te manque les cheveux, là. Ben, j'ai un mohawk. Il est vert, en plus. Ben là, il est défraîchi un peu, là, mais... ouais. Sinon, on a entendu aussi... l'album s'appelle Rat des villes, Renard des champs. Oui. On a entendu la pièce La ville comptoir. C'est ça, c'est une compilation de 20 chansons. Puis moi-même, je suis sur la compilation. Puis je connais pas mal tout le monde qui sont sur la compilation. C'était une chanson de Fanny Fay qui s'appelle La ville comptoir, comme tu as dit. Puis c'est sûr que moi, Fanny Fay, c'est une grande amie à moi. Puis ça m'a fait plaisir de la faire passer, puis de vous transmettre la joie d'écouter sa musique. Voilà. La joie de Fanny Fay. Et puis, c'est drôle, justement, Gab Paquette, quand il était venu à l'émission, là, il en avait fait jouer. D'ailleurs, c'est un de tes amis, ce Gab Paquette. Oui, c'est un ami, oui. Super. Oui. Donc, voilà. Alors, on va continuer dans un autre bloc que tu nous as choisi, Alex Drapeau. Et on va écouter maintenant un grand de la chanson, Richard Desjardins, de son album Kanasuta. Ouais. Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine des territoires coulés dans nos et des amours qui valent la peine. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques, des abattoirs de millionnaires, des réservoirs d'années-lumière. Thank you. s'il n'y a pas de lune. Nous en ferons une. Ça nous changera de tous ces engrenages. Nous réveillerons les villes endormies au fond du fil. Les bas-fonds batteront en retraite pour les bafoués. Manifestations en fête. Saltimbanques qui tendront mourir. Pour vous, vos tempêtes bouillottes sourire. Danseurs, jongleurs et ménestrels. On vous fera une de ces lunes de neige. Prête à chanter tout en tapage. C'est casser la tête pour mettre l'espoir à la page. Et tant qu'à broyer que du noir, vaut mieux donc peinturer la vie avec une boute guitare. Surtout si la vie s'est dit saltimbanque qui t'en en mourir. Pour vous, vous trempez de bouillon sourire. Danseurs, jongleurs et ménestrels, on vous fera une cellule de miel. La vérité, c'est qu'on ne l'a jamais vraiment bien écouté. Parce qu'on préfère tomber, se relever, rêver, éveiller. Parce qu'on est des étoiles plein la tête, même en pleine journée. Parce qu'on est nous et pas vous, parce que vous n'êtes pas nous. Vivra, verra. Parce qu'on est nous et pas vous, parce que vous n'êtes pas nous. Advienne que pourra, mais on est là et on fera toujours tout pour. Palpite dans nos poitrailles, mais on est là et on fera toujours tout pour. Et le cœur qui bat de la chamale. John Repche, Van Pete, Van Gilles. On veut sentir vos cœurs battre, vos chères apparentes. Nous mettrons à nu votre plus grande éloquence. Parce que peuple, c'est de tenir, on est peut-être plus un peuple. mentir. Parce qu'un peuple, c'est se tenir qu'on n'est donc plus un peuple. Allez, faites-moi mentir à la télé. Pain, that's where I often go. that's where I often go. Through the pines, like the tombstones of the D's passing on, with the D's like the dead roll on, roll on, roll on. While in the shadows, you can hear this howl, this lonesome moonlight song. This lonesome moonlight song. Your time is sure to blow in the wind. Like the pines that stand on high, don't fret, regret for what may have been. For I'll meet you by and by. For I'll meet you by and by. For I'll meet you by and by. Et oui, vous êtes de retour au Cirque Aquatique Magique. C'était assez intense, cette musique-là. C'était la voix absolument extraordinaire de Petunia. La chanson s'appelait « The Lonesome Pine Hollows », toujours avec Alex Drapeau. Salut, Alex. Salut, François. Est-ce que tu m'entends, François? Je t'entends super bien, numéro un. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi ce chanteur-là, cette chanson-là? Ben, en fait, ce chanteur, parce que la chanson s'est trompée. Mais... ouais. Qui est Petunia? Petunia, c'est, je peux dire que c'est un ami à moi que j'ai rencontré lors de spectacles. J'ai même joué dans des mêmes événements que lui, soit avant ou après lui, dans des tournées. Puis c'est une grande inspiration pour moi parce qu'il fait du country swing, du country swing. Ok. Puis c'est un style que j'aime beaucoup. Parce que c'est un style roots. Un style roots, ça veut dire que c'est traditionnel. C'est grande. Ouais, puis il y a une très belle voix, puis je l'aime beaucoup en tant que personne. Je comprends. Quelle voix extraordinaire. C'est une légende vivante du country. Petunia. Et on a entendu aussi, en fait, la pièce s'appelle Saltimbanque, tout simplement de Larry Tournel, un groupe de Québec. Oui. Les Saltimbanques, c'est des chums à moi. C'est Jeff, Guigui, Mathéo, puis Simon. Puis c'est toujours un plaisir de les rencontrer dans des soirées, puis même de jouer de la musique avec eux autres aussi. Oui, tu me racontais que tu allais partir là, bientôt sur une... François? Sur le pouce avec... ouais, c'est ça, avec François qui fait partie du groupe? Non, c'est parce que je t'entends pas dans mes écouteurs. Okay. Je t'entends par la porte, puis c'est très dur. Je vais essayer d'autres écouteurs, ça sera pas long. Ouais, essaye avec un autre écouteur. C'est pas stressant à faire de la radio, là. Non, pas pendant tout. C'est Koya 88.3, c'est le Cirque Aquatique Magique. C'est la dernière émission de la saison. Gros spécial ce soir. 2 heures de temps, on va prendre le temps. On va voir la musique sur les grenouilles. Puis là, on est en compagnie d'Alex Drapeau. Et oui, puis, je suis revenu, là. Et là, il m'entend. Oui. Et là, on parlait du groupe Larry Tournel. Tu vas partir sur le pouce avec un des membres du groupe? Ah non. Ben, j'aimerais mieux qu'on n'en parle pas de ça, okay, François. C'est bon. Pas de problème. Oui. Mais j'ai hâte de chanter des chansons, par exemple. J'ai vraiment hâte. OK. Oui. J'adore chanter, puis ça me fait plaisir de venir chanter ce soir. Il y a un côté un petit peu gitan avec Larry Tournel, hein? C'est... Oui, c'est des vrais gitans, ces gars-là. Gitans dans l'ombre, dans le sens que ils vivent leur poésie qui serait l'ombre de la liberté brute, puis de la poésie de la bohème. Ah oui, c'est des vrais gitans, ces gars-là. Et c'est pareil pour toi? Ben moi, plus tôt dans l'émission, j'ai dit que j'étais un punk. Mais tu peux être les deux, hein? Tu peux être gitan et punk. Oui, absolument. Tu peux même être hippie, t'as qu'à ça. Ah oui, absolument. En tant que je reste dans l'amour, tout va bien. On reste dans l'amour. Et on a entendu aussi l'incroyable Richard Desjardins avec la pièce « Nous aurons ». Nous aurons des réservoirs d'années-lumière, des abattoirs de millionnaires. Hi, ça, je trouve ça un petit peu rough et cynique, là. Mais en tout cas, s'il n'a pas trouvé de meilleure rime pour ça, on va l'excuser, là. Mais, mais je suis pas d'accord, parce que je pense qu'il n'y a personne qui devrait se faire amener à l'abattoir. Même les porcs. Même les porcs. Est-ce qu'on pourrait dire que t'es un pacifiste? Absolument. Je suis pour la non-violence. L'éternelle non-violence. Ça m'est arrivé la semaine passée de lever le ton dans la rue contre quelqu'un. Ben, contre quelqu'un. Ouais, justement, raconte-nous comment ça s'est passé. Ben, c'est ça. Je jouais de la musique devant l'intermarché Saint-Roch. Puis, y a un punk qui vient me voir. Il dit, hey, ici, c'est mon spot pour quêter. Il dit, ça fait 10 ans que je quête ici. J'ai dit, ben, voyons, t'es pas une police. T'es pas dans la police, toi. Il dit, hey, jeune. Regarde-moi, là, ça fait 10 ans que je te cite. Toi, t'as 23 ans, t'as quoi? Moi, François, j'ai 27. Pis, ouais. Il me faisait de l'attitude pour que je décrisse, pour que je m'en aille. Puis moi, j'ai dit, ben là, écoute, c'est pas vrai là, que tu vas gagner sur moi puis que je vais te laisser... Tu sais, j'ai de l'orgueil, moi, François. T'sais. Puis finalement, tout d'un coup, je me montais le ton. Puis là... Mettons 15 secondes plus tard, je me suis rendu compte que ça va pas d'allure, tu sais. J'ai monté le ton, puis je lui ai dit, je vais jouer encore 10 minutes, puis je vais y aller. Puis là, je lui disais ça, puis il comprenait rien, il avait l'air complètement stone. Ah ouais, c'est ça. Mais en tout cas, mais à part ça, c'est rare que je lève le ton. Je suis pour la non-violence. Puis, Ouais, t'as l'air d'un gars vraiment cool et sweet à connaître. Ben, c'est Alex Drapeau. Alors, si vous croisez dans la rue, là, un gars qui a un mohawk. Jaune un peu là. Étincelant. Ah, j'ai hâte de jouer. Envoyez-y à la main. Ben justement, c'est le temps pour toi de jouer. Oh oui. Là, t'as juste prends les micros, place-les comme tu le sens, installe-toi bien comme faut. OK. Et puis prends le temps de nous présenter la pièce bien comme faut. Prends le temps que tu veux. Installe-toi. Fais comme chez vous. C'est bon. Et puis là, Alex, il revient d'un spectacle au Tam Tam Café. T'es allé jouer avec l'incroyable Naomi Burkhart. Ah oui, on a fait un bon show, c'était super cool. Ouais, elle joue de l'auto-harpe. Ouais. C'est une harpe électronique, en quelque sorte. Je sais pas trop comment décrire ça, c'était un peu difficile. Ah, moi, je suis prêt, en tout cas. Tu es prêt? Alors, c'est une chanson qui s'appelle Banqueroute. J'espère que le son va être bon. C'est inspiré de la crise du logement à Québec. Je vis dans un taudis, un et demi. Les planchers sont croches, pareil comme le Jeep Rock. J'entends mon voisin parler avec son chien. J'entends ma voisine manquer d'aspirine. D'ailleurs, je monte un chiolé tout le temps. Dans mon appartement, peinture et en blanc. Ça coûte cher, un peu de lumière, un peu de chaleur dans ma demeure. Mais je sais qu'un jour, mon logis sera gratuit. Mais je sais qu'un jour, mon logis sera gratuit. Pour vivre décemment, il faut être vaillant. Veiller au grain, se battre pour son pain. Mais pauvre de moi, toujours en émoi. Toujours sur la route de la banqueroute. Toujours entre deux drames qui tournent en chicane. Toujours en pénurie, jamais à l'épicerie. Puis c'est la galère, la grosse misère. C'est l'enfer au début de l'hiver. Mais je sais qu'un jour mon logis sera gratuit. Oui, je sais qu'un jour mon logis sera gratuit. Alors je reste calme dans ma cabane. Je regarde par la fenêtre, je compte les peut-être. Je voudrais aider quelqu'un au vivre en commun, dépasser l'ennui avec un ami qui me comprendrait autant que je l'aimerais, qui me dirait la vie c'est comme un taxi qui te transporte comme une liqueur forte, puis quand t'es fini tout redevient gratuit. Oui, je sais qu'un jour mon logis sera gratuit. Oui, je sais qu'un jour mon logis sera gratuit. Wow, vous venez d'entendre Banqueroute d'Alex Drapeau qui est avec nous ce soir à CKIA 88.3. Est-ce que tu vas enchaîner tout de suite? Est-ce que tu veux parler un peu de la chanson? Non, j'aime mieux pas parler de la chanson, okay. Parce que j'ai eu une faim, une soif de vous chanter une autre chanson, les All amis. All right, on est prêt. Je vais trouver mon texte, parce que l'autre... Pas besoin de texte, je la connais par cœur. Je vais vous chanter la chanson... De toute façon, Pierre, t'inventeras des paroles, c'est pas grave. Absolument. Est-ce que le son était bon, François? Oui, il était bien, le son. OK, les micros sont bien placés. Oui. OK. Bon, c'est ça. La prochaine chanson, ça s'appelle « Devant l'Intermarché Saint-Roch ». Ah! Alors, c'est une chanson que j'ai écrite en 15 minutes. Après l'événement que tu m'as raconté? Non, c'est après avoir lu un recueil d'Émile Coderre, fameux poète des années 30 à Montréal. Un indigné de notre société de consommation capitaliste. Et j'ai lu son recueil, puis après avoir lu son recueil, m'ayant esclaffé, j'ai pris un crayon, bandé d'un désir de créer une chanson, et j'ai créé la chanson que je vais vous interpréter drette là. Es-tu prêt, François? Mais en que je suis prêt. OK, je voudrais dédier cette chanson-là... Je suis tellement prêt que je suis bandé. Parfait! OK, je voudrais dédier cette chanson-là à Marie-Joëlle. Ça s'appelle « Devant l'Intermarché Saint-Roch ». Je quêtais un petit refrain à Dame Nature ou Monsieur Lentrain. Je bormais devant l'épicerie, j'étais satisfait de la vie. C'était Pâques, c'était l'été, c'était Noël, le temps arrêté. Je tripais dans mon manteau, la paix allait dans mes boyaux. Je n'étais plus un bandit, la police était mon ami. Je n'avais plus faim ni froid, et j'avais tellement la foi. Je pensais au monde entier, j'étais riche, j'étais comblé. Les étoiles brûlaient dans le ciel, et les madames étaient belles. Et j'ai reçu petit refrain, et j'ai reçu un petit refrain. Je l'ai chanté sur le coin de la rue, pas de guitare pour petit Jésus. Je lui ai dit, moi je te comprends, peu importe ce que pensent les gens. Et j'ai dansé comme un fou avec le reste des voyous. On a fumé des cigarettes, tout était cool pis ben correct. Pis là, j'ai rencontré la femme de ma vie, ébloui, je je me suis évanoui, je me suis réveillé dans ses bras. J'avais jamais filé comme ça. Me dit que ça allait brasser, que ça faisait rien commencer, mais qu'il fallait pas s'en faire et de rester dans la prière. Et on s'est marié, et on s'est marié. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Wow! Ouais, c'est quelque chose. C'est quand, comment s'appelait cette pièce-là? Devant l'Intermarché Saint-Roch. Devant l'Intermarché Saint-Roch. Vous l'avez entendu à CKIA, c'est Alex Drapeau qui est avec vous. Écoute, Alex, il faut qu'on aille mettre un bloc de pub, de capsule audio, peu importe. OK. Et puis on revient tout après, ça va prendre 2 minutes. OK, ben je m'en reviens te rejoindre. Là. All right. Salut à tout le monde. Vous êtes à CKIA toujours. Et puis, ben on est avec Alex. On revient dans quelques instants. Bonjour, je suis Christian Roberge, chanteur et guitariste du groupe The Lost Fingers. Je soutiens CKIA parce que, en tant que radio communautaire des quartiers centraux de Québec, elle propose une programmation unique et indépendante axée sur la découverte. Elle participe ainsi au rapprochement entre les communautés, de même qu'à la genèse de groupes et d'artistes locaux. CKIA a besoin de notre soutien plus que jamais. Devenez membre ou faites un don sur Internet au ckiafm.org ou par téléphone au 418-529-9026. Merci. Grand remerciement à la population du Québec. Merci. Bye. Journée porte ouverte à CKIA. Les 28 et 29 mai, de midi à 17h, un grand bazar aura lieu à CKIA. CD, livres et disques vinyles. Tout est comme neuf. On a de tout, des raretés, des grands succès et des surprises. Mettez la main sur notre nouveau T-shirt, les temps changent, CKIA reste. On vous attend de 12h à 17h aux journées portes ouvertes 600 Côte d'Abraham, les 28 et 29 mai. CKIA vous convie à un tête-à-tête avec Paul Pelletier, femme de théâtre par excellence. Auteur, metteur en scène, comédienne, chercheur et pédagogue. À l'occasion de sa venue prochaine à Québec, pour son dernier spectacle, La Robe Blanche, un spectacle qui est la somme de 40 ans de recherche et de création théâtrale. Deux dates à ne pas manquer, les vendredis 20 et 27 mai à 11h sur les ondes de CKIA FM 88.3. Du sable des îles au béton de la ville, de la neige du nord aux pluies du sud, du vert forêt au bleu du fleuve, Radio Vision, les radios communautaires avec vous partout au Québec. CKIA termine maintenant sa programmation régulière et vous propose une nuit tout en musique. Vous pouvez nous syntoniser au 88,3 FM, sur le câble au 88,3. Et voilà les petits oiseaux, on vient en onde à CKIA 88,3. On n'est pas parti, d'habitude le cirque ça dure 1 heure. Mais là, ce soir, c'est la dernière de la saison, faut qu'on fait un gros spécial. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ben c'est ça, c'est la fin de la saison, dernière émission de la saison. Deuxièmement, on a Alex Drapeau avec nous, qui vient faire des prestations live, qui va nous parler de lui. Et troisième affaire, on va arriver là-dedans plus tard, mais on va parler de Grenouille, parce que c'est important de parler de Radio Grenouille qui rediffuse cette émission-là à Marseille, en France. Mmh! Oui, monsieur. Vive la Marseillaise! Oui, puis vive la choucroute et la tartiflette. Je sais pas ce que ça veut dire, mais vive la Marseillaise! Bon, donc, Alex, je voulais qu'on parle un peu de toi. Et je voulais qu'on parle aussi de Jésus, parce que t'as un amour intense envers Jésus. Un amour infini. Un amour infini. Ouais. C'est d'où ça vient? Comment un punk peut aimer Jésus? Ben, c'est tout simple. C'est que je vois Jésus comme un punk lui-même. Puis, je vois Jésus comme, comme un grand poète. Donc, Jésus est arrivé avec des phrases comme « Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Et puis, il y a la vie intense que Jésus a menée selon le roman ou la Bible. Et puis, ça m'inspire beaucoup. D'aider les pauvres, d'enrayer la pauvreté, finalement. La misère. Puis, le partage, puis la vie comme une expérience qui a un certain sens. Puis, la vie comme entre amis, puis c'est... Bon, à chaque fois que je parle de Jésus, c'est... Je peux pas dire que je suis quelqu'un qui parle de Jésus d'une façon hyper claire, puis arrêtée. Puis, mais ma façon est super simple de parler de Jésus. Puis c'est peut-être justement pour ça que j'aime... que finalement, ça... J'ai le droit... Bon, tout le monde peut parler de ce qu'il veut, mais... Moi, ma façon de parler de Jésus, c'est ça. C'est ça. Puis c'est un peu ma façon de m'exprimer tout le temps aussi dans les bars, sur la rue ou chez nous, ou au travail, si je travaille. Ouais, c'est ça. Jésus, pour moi, c'est pas compliqué, c'est très simple. C'est de l'amour, c'est de la générosité, c'est de l'espoir, c'est de la poésie, c'est de la vérité. Puis pourquoi pas la philosophie, puis l'amour. La poésie. Ouais, puis les relations avec les autres qui donnent un sens à la vie. Ce serait peut-être ça, peut-être le sens de la vie pour toi, quoi, justement, les relations avec les autres? Ben, je suis pas du style ermite. J'ai vécu beaucoup de moments de solitude dans ma vie, puis c'était pas par choix. C'était parce que j'habitais avec des gens avec qui ne me faisaient pas beaucoup de bien. Donc j'aimais mieux être tout seul. Puis, mais maintenant, j'ai une famille d'amis. Puis, mes parents sont des bons amis aussi, là. J'exclus pas ma famille de sang dans ma famille d'aujourd'hui. Mais mes amis me donnent la force de passer au travers de cette vie qui est pas toujours facile, mais qui est pas nécessairement toujours rough non plus, t'sais. Je suis quelqu'un d'assez bien, t'sais. J'ai cette chance-là dans la vie. Puis c'est ça, les relations avec les autres, c'est super important. Puis, c'est comme un art que j'essaie de maîtriser. C'est pas maîtriser, un art que j'essaie de vivre, l'amitié. Mm-hmm. J'essaie de vivre l'amitié le plus possible. Puis d'où ça vient justement cet amour-là envers Jésus? On m'a toujours pas... Non, je vais recommencer ma phrase. Ça me vient de ma mère. Tout simplement, j'étais dans son ventre que ma mère me parlait de Jésus. Puis ma mère est saine d'esprit. Donc, je suis content que ma mère, depuis que je suis sous la forme la plus petite là, qui se peut, d'un humain, m'ait parlé de ce que c'est justement la foi, puis un beau passage sur Terre, puis la vie de famille finalement. Mm-hmm. Ouais. OK. Ça vient de mes parents. Ceci dit, je ne suis pas catholique. Et ça, c'est différent. Je suis un punk... Non, pardon. J'ai fait un beau lapsus, en fait. Je suis un punk qui se conçoit comme un chrétien primitif. Donc, mon christianisme est inspiré des premiers chrétiens, qui sont Jésus puis les apôtres. Les apôtres, ouais. Ceci dit... J'ai pas fait beaucoup de recherches là, à savoir qu'est-ce que chacun a dit, mais on parle de Jésus, puis je viens de dire que je suis un chrétien primitif, puis ça finit là, je pense. Je ne sais plus quoi dire. Je pense que c'est clair. Ouais, puis là, je suis en train de me prendre un peu trop au sérieux, je pense. tu voulais avoir plus de temps pour faire plus de chansons? Vraiment, j'ai vraiment aimé vous jouer deux pièces. Il y avait Il y avait une grande magie dans le studio. Je trouvais pas mes partitions. J'ai chanté sans partition. Puis ça a tellement bien été. Écoute, je vais te poser une question tantôt, absolument sur une de tes chansons. Tu parles, à un moment donné, tu dis, à un moment donné, tout sera gratuit. Les logements vont être gratuits. Je sais qu'un jour, est-ce que c'est un appel à la révolution? Ben en fait, là, c'est le personnage de la chanson. Il vit dans un et demi. Puis le gars, il en arrache. Il entend son voisin qui fait du bruit, il écoute la TV. La femme à côté, elle cherche ses aspirines. C'est que le gars, il attend pas la révolution. Dans la chanson, il se dit, bon, ben... Il est en retour du Messie, quoi. Un moment donné, je vais mourir, puis je vais arrêter de souffrir ici comme un con. C'est ça que ça dit, la toune. Écoute, en attendant que tu t'installes pour peut-être en jouer une autre... Est-ce que tu veux choisir une pièce à brûle pour point, là, drette là? Oui, on va écouter Peter Paul. Peter Paul et son groupe de rock. On va écouter... Tu sais, il y a des groupes qui s'appellent Bande de garage, Ma blonde est une chanteuse, Comme un homme libre. Et là, ce groupe-là s'appelle Groupe de rock. Ouais. C'est encore plus clair. Ouais. On va écouter Paradoxal. Paradoxal. De vivre à Robertval puis de jouer d'un groupe de musique qui chante en anglais. Et vous êtes, c'est une opinion. Et vous êtes toujours au Cirque Aquatique Magique en compagnie de François Gécouillard et d'Alex Drapeau. Et on va écouter ça. Vous êtes à Sequoia 88.3. Dernière émission de la saison. Peter Paul et son groupe de rock Paradoxal de vivre à Montréal et de chanter en anglais. Non, à Robertval. À Robertval, voilà. Au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean. C'est d'ailleurs lui-même qui est originaire du lac Saint-Jean, Peter Paul. Absolument. Il joue avec mon oncle Serge souvent. Il prépare un nouvel album. D'ailleurs, tu disais ça en hors d'onde. On a bien hâte d'entendre ça. Ouais. Peter Paul, c'est pas son groupe de rock, c'est peu connu. Il sortit un album. Vous reconnaissez la pochette, il y a un cheval qui chante dessus. Et puis, des pièces pas mal intéressantes. Il y a une pièce qui s'appelle Les Putes, entre autres, qui est quand même pas pire. Il y a une pièce instrumentale qui s'appelle Muffler. Donc, des pièces de fond de cale, de char, de boucan, de bière, de bataille, etc. Alors, dis-moi, Alex, si t'avais le goût d'en faire un autre. Oui, on va continuer avec le premier du mois. All right. Êtes-vous prêt? Quand t'es prêt, mon cher. 1, 2, 3, 4. Je me fous pas mal de la semaine sainte, presque autant que de la semaine verte. Mais il y a 12 jours dans l'année que je peux pas m'empêcher de fêter le premier du mois. Le premier du mois, oh, 588 Bobidoo down in the bank account. The first of the month, the first of the month. C'est l'apocalypse de mes problèmes, c'est la Pâque après le carême. La terre en transe, c'est l'abondance, ça donne du lousse à mes cas. Ça donne du lousse à mes créances. Le premier du mois, le premier jour du mois, je pars en tombe à l'épicerie. J'achète au moins 15 kilos de riz. Avec des pâtes à sauce à ma 30 à 40 kilos de patates. Quand ça, le premier du mois, le premier du mois, tant que le soleil va briller et qu'il y aura des épiceries, tant que je pourrai me louer un loyer à bon prix, je resterai. Je prendrai mon mal en patience en pensant au bon côté. Tous les jours sont comme dimanche, sauf le jour du premier. Excusez-la. Les caissières au Dolorama appréhendent le jour premier. C'est la cohue dans le centre d'achat, c'en est un vrai rat de marée. Je paye mon loyer, puis de quoi bouffer, des cordes de guitare et des crayons, de la soie dentaire et des savons, et puis me l'a encore cassé. Le premier du mois, le premier du mois, le premier du mois, le premier du mois, cassé comme un clou. Ouais. Le premier du mois. Je la joue pas aussi vite que ça d'habitude. All right. Oh yeah. Vous êtes toujours en compagnie d'Alex Drapeau. C'est lui, la belle voix que vous entendez, qui chante si bien. Eh oui. Les chansons du peuple. Les chansons... Oui, oui. Absolument. Là, la prochaine chanson, c'est une chanson qui a été écrite par Émile Coderre. Poète de Montréal qui a écrit dans les années 30 à Montréal, qui écrivait sous le nom de plume de Jean Arache. Et puis lui-même chantait ses chansons passait à la radio, puis interprétait. Probablement que je m'en vais interpréter un texte qui a été interprété dans les années 30 par lui-même. Donc je trouve ça d'adon que je fasse ça. C'est magique. Ouais, c'est très magique. Au cercle aquatique magique. OK, ça s'appelle Oraison funèbre pour mon chien. OK, dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui chante une chanson à son chien qui est mort. Son chien est mort. C'est une valse. N'étais pas un chien de salon, ni un chien-chien pour demoiselle, qui gagne des prix aux expositions et qui couche dans des lits de dentelle. Quand je t'ai trouvé tout estropié, j'ai vu que dans ta vie de misère, t'avais mangé bien plus de coups de pied que de viande, pour ça on était frères. Tu me regardais d'un air si doux quand tu mettais ta tête ronde et ta grosse patte sur mes genoux. On aurait dit que t'étais du monde, mon chien. Tu tu comprenais, bien sûr, pauvre vieux, tous mes rancœurs, tous mes détresses. Juste à zioter dans le blanc de mes yeux, tu voyais tout ma détresse. Tu me guettais comme un collecteur, comme une police, une sentinelle. Et c'est pour ça que je t'appelais malheur, tu ne me lâchais pas d'une semelle. Et je me souviens de l'enterrement, quand j'ai mené ma vieille au cimetière. Le corbillard montait tristement, avec seulement toi et moi derrière. Non, tu n'étais pas un chien de salon, ni un chien-chien pour demoiselle, qui gagne des prix aux expositions et qui couche dans des lits de dentelle. Et qui couche dans des lits de dentelle. Et qui couche dans des lits de dentelle. Donc, Émile Coderre, c'est ça? Émile Coderre. Ah, oh boy, c'est un gars qui mérite d'être connu, ce cher Émile. Un grand poète. Un grand poète. Indubitablement. Oui. Les années 30, la grosse misère noire. Oui. La prochaine chanson, ça parle du phénomène des soupes populaires. Donc, je vais la jouer tout de suite pour le... Pour votre grand plaisir, chers auditeurs et auditrices. Ça s'appelle la soupe pop. Populaire, venez manger à votre santé. Rassasiez-vous pour pas cher, goûtez nos spécialités. Si vous désirez très cher prendre un thé ou du café, prenez le temps de dégriser et préfiez-vous aux normes sanitaires. Ah, si bon. Qu'on soit l'été, qu'on soit l'hiver, le monde arrive à vélo. Pour un peu de vie communautaire, venez quand même qu'il ferait pas beau. Les oisifs et les... Et les flâneurs s'y arrêtent pour faire le plein. Les dissipés, les globetrotteurs peuvent entrer, mais pas les chiens. Au rendez-vous des prolétaires, les cuisiniers sont bénévoles. À 50 cents le couvert, plus besoin de faire de vol. Il y a tout le temps plus de monde à mesure que le mois avance. Mais les assiettes sont toutes en comble parce que le cook a de l'expérience. Voudriez-vous calmer vos nerfs? On pourrait vous expulser. Pourquoi être révolutionnaire quand le système paye le souper? Si la charité remplace nos droits, c'est que les prolos laissent tout passer. Comme si être pauvre était un choix et un privilège de bien bouffer. Ouais, peut-être c'est vrai. Refrain. Auriez-vous un peu de change? Ah, yeah. Auriez-vous un peu de change? Please. Please. « corde. Bad luck budgétaire, on y entre avec dignité. On prend sa place en commentaire, on dit merci pour le souper. On apprivoise l'autorité, distribuant les cabarets. On finit qu'à les aimer, sans eux comment je mangerais. En tant que bénéficiaire de toutes les assistances, de toutes les banques alimentaires qui se contingentent, merci du fond du cœur au bon samaritain qui arrose les fleurs qui poussent dans le besoin. Auriez-vous un peu de change? Auriez-vous un peu de change? Please, please, please. Ben c'est ça, on se momounera pas, hein? C'est pas parce qu'on s'enfarge d'un mot parce qu'on n'a pas checké nos lyrics avant l'émission qu'on commençait à niaiser pis à dire qu'on a radio la pâtée pis qu'on est mal dans notre peau parce qu'on s'est trompé en radio. La soupe populaire d'Alex Drapeau. Ben oui, la soupe pop. 50 cents à l'Aube-Rivière. Non, c'est 75 cents. Ah, c'est rendu 75. Ouais. Puis je vous souhaite de jamais aller là. La prochaine chanson, ça va être « Un autre jour à me chercher une blonde ». Quand t'es prêt, mon brave. OK. Après ça, on passera à autre chose. François, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Alex. J'ai écouté un peu à radio avant de venir. À Sequoia, là. Puis vous avez une bonne émission, puis je vous souhaite qu'elle perdure. OK. La chanson « Un autre jour » de Alex Drapeau. Je vous invite à aller voir mon site MySpace. Cherchez Alex Drapeau, vous allez le trouver tout de suite. Un autre jour pour tous ceux qui cherchent une blonde. J'ai perdu le goût de prendre le large, perdu confiance en l'argent. Des fois je me sens comme une épave, pourtant moi si vaillant. J'ai remué le passé, la poussière rougit mes yeux. C'est vrai que je suis un grand mêlé. T'en veux-tu d'autres des aveux? Un autre jour. À me chercher une blonde. Dans ma cabane, 8 par 16. Là, je suis ben, j'entends plus les chars. Que le temps s'arrête, y'a rien qui presse. Ouais, peut-être un autre corps. J'ai fui la ville et ses piétons pour mieux ressentir la vie. J'ai constaté quelques motons, mais pas de quoi en faire une phobie. Mais pas de quoi en faire une phobie. Mais pas de quoi en faire une phobie. Un autre jour. Oh, oh, oh, à me chercher une blonde. François, t'es-tu là? Présent. Un grand moment dans ma vie. Et qu'on est bien à Québec. Mais surtout ça. Quand tu peux sortir régulièrement de la ville, que tu reviens, t'es bien. Mais quand tu restes tout le temps, tu peux être bien aussi, ça dépend. Parce que moi, je suis sauvage. Je suis heureux. Le beau côté sauvage, le plus beau côté. OK, dernier coup, là, les amis. J'ai besoin d'une place pour rester. Pas de 300 000 indifférents. À soir, j'ai besoin de bien manger. Je me contenterai de tes restes. Dis-moi que le soleil n'est pas absurde et que je suis encore vivant. Mais que malgré toute ma solitude, une femme arrivera juste à temps. Une femme arrivera juste à temps. Une femme arrivera juste à temps. Une femme arrivera juste à temps. Un autre jour. À me chercher une blonde. Et voilà, voilà, voilà, voilà. Une chanson pour vous, messieurs, les solitaires. J'aurais pu la mettre au féminin aussi. Il y a beaucoup de femmes. Qui cherchent des hommes. Les femmes et les hommes se ressemblent beaucoup. Merci beaucoup, Alex Drapeau. Donc, comme il l'a dit, là, il y a un MySpace, Alex Drapeau. Alors, cherchez ça, vous allez le trouver tout de suite. Sinon, ben Alex qui se produit de temps en temps dans les bars et les débits de boissons de la région. Oui. Et même ailleurs. Oh oui, c'est le rock and roll qui continue pour moi. Et puis, c'est ça, je vais jouer... J'ai déjà beaucoup de dates là, pour cet été, là, puis ça va être un grand plaisir. All right. Merci beaucoup d'être venu, Alex. C'est pour moi un grand honneur de t'avoir reçu. Puis j'espère que ça va être un plaisir qui va se renouveler dans les prochains jours, qu'on se revoit et qu'on se rejase de ça. Oui. On habite le même quartier d'ailleurs, fait qu'on va se croiser sûrement, c'est garanti. Absolument. Puis sinon, on continue une petite demi-heure encore d'émission. Merci encore une fois, Alex, d'être passé. OK, bien, merci beaucoup, puis bonne soirée à tout le monde. Et nous, on va aller plonger dans la partie grenouille du show. Donc, on va aller écouter quelque chose que Radio Grenouille s'est intéressé. Ça s'appelle le Wapikoni Mobile. C'est de la musique des Premières Nations. Alors, on va écouter ce que ça donne et puis on en reparle après. Tu m'as ébloui par ton regard éclatant. Délicatement, en pleine efflorescence, comme l'ébruitement d'un papillon. All I want is to be your flower, and all I hope is that you're loving me. All I want is to be your flower, and all I hope is that you're loving me. Je te proclame qu'à l'intérieur de moi, j'ai ce secret d'amour qui ne peut voltiger. Tourmenté par cet amouragement, comme l'ébruitement d'un papillon. All I want is to be your flower, and all I hope is that you're loving me. Je garde un is that you're loving me. Qu'est-ce que ça a rapport, la manifestation pour les Nordiques, là, puis la manifestation des Patriotes, ça n'a aucun astuce de rapport. T'es vraiment plein de marre de vicieux, hein? Prends-toi une carabine puis une mitrailleuse, là, tu vas bien descendre tout le monde du Parti québécois, tu sais. Ça va être réglé, maudit fanatique fédéraliste de pourri. I hear horses coming at me while I sleep by my campfire. Hear footsteps creeping softly. Yeah, I know they're coming soon. So I awaken swiftly, jump on my horse and away I ride, ridden my rifle by my side. And I see six riders to my left, I see seven on my right. So I'll shoot somewhere in the middle, 'cause I figure, hell, that's where most of them ride. 'Cause I'm a warrior on the run, I don't got no place to go. Turtle Island is my home. A yippee-ki-yay and yippee-ki-yo. Hey, ah, hey, ah, hey, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey. I hear horses coming at me while I sleep by my campfire. Hear footsteps creeping softly. Yeah, I know they're coming soon. So I awaken swiftly. I jump on my horse and away I ride, with my rifle by my side. And I see six riders to my left, I see seven on my right. So I'll shoot somewhere in the middle, 'cause I figure, hell, that's where most of them ride. 'Cause I'm a warrior on the run, I don't got no place to go. Turtle Island is my home. Yippee-ki-yay. Vous venez d'entendre trois pièces enregistrées par la Wapikoni Mobile. Quelque chose que j'ai découvert grâce à Radio Grenouille, une radio marseillaise. Ça prend évidemment juste des Français pour nous faire découvrir aux Québécois la culture autochtone. Qu'est-ce que c'est la Wapikoni Mobile? C'est un studio ambulant de formation. C'est un truck qui se promène, qui enregistre depuis 7 ans les gens des communautés des Premières Nations au Québec. Et ça donne... La mission de la Wapikoni Mobile, c'est de donner aux jeunes des Premières Nations l'occasion de s'exprimer au moyen de réalisations vidéo et musicales. Alors, il n'y a pas seulement de la musique, il y a aussi du vidéo. Alors, quand même intéressant. Les trois pièces qu'on a entendues. On a entendu Tom Côté qui faisait Warrior Song. Cashtin qui faisait Frank Penosway. Ah non, c'est le contraire. C'est Frank Penosway qui faisait la chanson Cashtin et Sheena Penosway qui faisait Papillon. Tout simplement. Alors, trois tunes quand même assez différentes. Warrior Song, Tom Côté se prenait pour un dur, un cowboy, un gars à cheval et armé qui tire sur les méchants. Alors, intéressant quand même. Faut que je dise quelque chose d'important qu'il faut que les Français sachent. C'est que les Québécois connaissent mieux la culture française et bien sûr états-unienne. Connaissent mieux cette culture-là que celle des Autochtones qui se trouvent sur leur propre... dans la même province, en fait. Dans le même pays, dans la même province que les Québécois. On connaît absolument rien de ce qu'ils font comme musique, comme création culturelle. Des fois, on entend parler des deux solitudes, mais vraiment, il y a plein de solitudes au Québec. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai de la musique autochtone chez nous, mais c'est juste parce que je connais Donna Larivière qui fait l'émission Voix autochtone à la radio de Sequoia. Alors, c'est quasiment un accident. Il reste 20 minutes pour ce spécial Cirque aquatique magique. Qui est toujours animé par François Gécouillard, dernière émission de la saison, émission spéciale de 2 heures. Et on s'en va écouter plus de musique. Oh! Pourquoi pas un petit bloc communiste? Tout le monde aime ça. Tous les jours, du pain et pain. L'aide aux pays du tiers-monde chaque année par les pays de l'OCDE, c'est quelque chose autour de 80 milliards qu'on envoie chaque année. Mais là-dessus, il y a à peu près 65-70 milliards qui sont donnés à des gens des pays de l'OCDE. Tu sais, qui lui payent des voyages pour aller aider ou qui lui payent pour domper leur production supplémentaire ou le médicament périmé ou tout ce que vous voudrez dans les pays du tiers-monde. Les pays du tiers-monde renvoient 450 milliards de dollars au service de la dette. Alors, qui aide qui? Chant révolutionnaire du monde par le groupe 17. On a entendu les partisans, la jeune garde et le front des travailleurs. Trois pièces à tendance rouge, qu'on pourrait dire. J'essaie de trouver des informations sur le groupe 17. J'ai pas trouvé grand-chose, quoique j'ai la pochette à la maison, mais j'ai pas de notes. Tout ce que je sais, c'est que la pochette a été commentée par Max-Paul Fouchet, qui était un écrivain, journaliste et homme de télévision français. Et ils disent rien sur Wikipédia à propos de sa tendance politique. C'est un gars qui s'intéressait beaucoup à la culture, tout simplement. Mais, là, alors que le livre « L'archipel du goulag » est sorti, il s'est opposé à son auteur, notamment lors de l'émission « Apostrophe », une émission de critique littéraire. Et « L'archipel du goulag », moi, c'est le bouquin qui m'a le plus frappé de tous les bouquins que j'ai jamais lus de ma vie. Ça a été écrit par Alexandre Solzhenitsyn. C'est un gars qui a mal tourné par la suite. Un gars qui a viré vers l'extrême droite, mais il a survécu au goulag. Et dans son bouquin « L'archipel du goulag », qui est en fait une série de livres, je pense qu'il y a trois livres, ben, il décrit dans le fond le système carcéral et répressif de l'Union soviétique. C'est un livre qui est paru la première fois en 1973. Le bureau d'exploration aléatoire. Alors, dernière émission de la saison, c'est qu'hier actuellement est en déménagement. Alors, tous les vinyles ont été sortis du studio et se retrouvent maintenant pêle-mêle. Et j'ai trouvé quelques pochettes qui m'ont interloqué. La pochette que je tiens dans les mains, c'est marqué Don Pierre, hors d'œuvre, écrit en or. Il y a une photo, il y a l'air d'avoir 10 gars cordés. Ils sont devant comme un genre de buffet, et dans le buffet, il y a juste des instruments de musique. Je pense que c'est comme un concept. Et c'est marqué Ritz-Carlton, Montreal. Alors, ça a probablement été enregistré dans un hôtel. Ça commence bien. Let's go. Flûte. La première pièce s'appelle Tire d'aile. C'est funky, c'est disco. On regarde la pochette. On voit le groupe qui est dans la cuisine de l'hôtel. Ils abordent tous fièrement la moustache. Avant la drache. Remarquez-vous la faute? Le belgicisme flagrant continue dans cette phrase toute simple. Il faut vous aider. Avant la drache. La drache, dracher. Ne croyez pas un instant que ces mots soient compris en France. Vous les trouvez peut-être très pittoresques, très expressives, je veux bien, mais ils ne sont que belges. Et nous ne devons pas avoir la prétention de les imposer à nos voisins. À vous, ce ne serait pas un fameux cadeau. Vous avez compris de quoi il s'agit. Cette brave Belge ne voulait pas du tout parler d'une cour, mais tout bonnement des toilettes. C'est un flandricisme de dire la cour pour les toilettes. Et c'est un belgicisme de dire la toilette au lieu du pluriel les toilettes. Voulez-vous m'indiquer les toilettes, s'il vous plaît? Ne disons donc pas la toilette, encore moins la cour, disons les toilettes. Ok, oui, musique de fond. Maestro? Tiens, pourquoi pas. Autre album qui a l'air absolument fabuleux. La pochette est de toutes les couleurs. C'est un dessin. C'est marqué « C'est le fun au bout ». En spécial à 2,99 $, tel qu'annoncé à la télévision. Deux disques drôles, 28 succès. Et là, la première pièce, c'est la Bolduc et Marthe Fleurant. Oh, je sens que ça va être quelque chose. Qui revient, des courts tichés, fringants, pis je mets une balle qu'on vient de peinturer. Me voilà mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens vous regarder, je vous dis que ça me fait doucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais sang. Je suis faite une bonne longueur, j'ai guéri dans vos grands amis. J'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de lutter. Pis ça me fait bégayer. J'ai un clou sur le nerf du cou qui est aussi gros qu'un trantou. J'en ai un autre sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un sur le bord d'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'ils t'amènent pas son 44 carreaux. J'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de lutter. Ça me fait Y a-t-il du monde qui ont toutes les maladies, puis ils avaient quoi d'être beau? En a-t-il du charpent, cet enfant-là? Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas décourager, ça va bien vite commencer. Tout ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, découragez-vous pas. Moi, j'ai toujours le cœur qui continue à lutter. On se plaint à Montréal, après tout, on est pas mal. Dans la province du Québec, on mange notre pain bien sec. Pour l'ouvrage au Canada, il y avait moins dans les états. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certaine de crever de faim. Un paradis comme Kélo, elle ne pense pas qu'elle crève de faim. Ça va venir, découragez-vous pas. Moi, j'ai toujours le cœur qui y continue à lutter. Ça va venir, découragez-vous pas. Moi, j'ai toujours le cœur qui y continue à lutter. Crime à sac, le pire, ça suit les vitamines, ça fait là. Oh, oui, on en a des légumes, des carottes, puis des navots, des betteraves, puis des poireaux. Oh, oui, on en a des bouchous, des pétales, puis des tomates. Oh, oui, on a des rouges et verts. Quand Britain est arrivé, il a commencé à chanter. Venez voir mes échalotes, sont seulement des cernabots. Des radis, puis des salades, des pétales, puis de la roubarde. C'est du vrai sirop d'arabe, fait avec la cassonade. On fait comme ce qu'on avait, mais devant Dieu, sont en vue, patin. Oh, oui, on en a des légumes, des carottes, puis des navots, des betteraves, puis des poireaux. Oh, oui, on en a des bouchous, des pétales, puis des tomates. Oui, on a des rouges et verts. On en donne dans les ruelles, la bouche vendue aux arrêts. Le visage tout en grimace, vous dites qu'il donne pas sa place. On en a des beaux cocons, on en a pour tout le monde. Y'en a pas dans le quartier, qui a des beaux cocons comme moi. Et il faut le poignard avec tes cocons, la mère, on a vu nos légumes avant aujourd'hui. Oh, oui, on en a des légumes, des carottes, puis des navots, des betteraves, puis des poireaux. Oh, oui, on en a des bouchous, des pétales, puis des tomates. Oui, on a des rouges et verts. La technique a été extraordinaire ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, c'est ça, c'était la dernière émission de la saison. Peut-être qu'on s'en verra dans 3 mois. Pour écouter cette émission ainsi que toutes les autres, jeunefou.blogspot.com. C'est François Gécouillard qui vous envoie un gros salut.